إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أول le premier qui a changé le nom des choses pour tromper les gens؟ إبليس. كيف فعل؟ Donc c'était pour en venir au fait que le fait de nommer un qabr wali ou mashhad ou dhalika, ça ne sort pas du min kounihi sanaman ou wasanan. Ça reste toujours un sanam ou un wasan, parce que tu fais des adorations pour lui. طيب هذا كنا خلاص درسنا أمس. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Maintenant il va entrer dans des munakasha. يعني إن قال s'il a dit, s'il te dit, alors dit كذا dit كذا. هذا أسلوب يعني معروف علمي. قال فإن قال أنا نحرت وذكرت اسم الله عليه. Donc là, il parle de quelqu'un qui irait égorger auprès de la tombe. قال, s'il te dit, moi, j'ai sacrifié et j'ai nommé le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur al-Zabiha. J'ai nommé Allah, j'ai dit Bismillah. فقول إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه. هل أردت بذلك تعظيمه؟ Donc il dit, maintenant, ce que tu as... La foi, non ? Si ce sacrifice que tu as fait est pour Allah, pourquoi donc l'as-tu rapproché de la porte du qabr ? En plus, c'est le qabr d'une personne que tu préfères, et en qui tu as une croyance. Est-ce que tu as voulu pour cela le glorifier ? Faire un ta'zim ? Fa'in qala na'am, fa'kul lahu hadha nahrun ghilillah, bal ashrakta ma'ahu ta'ala ghayra. Donc si un mec te dit oui, c'est par ta'zim. J'ai dit bismillah, mais mon zabh, je l'ai fait par ta'zim, li sahib al-kabr. Tu dis alors ça, c'est un zabh, un nahr, li ghilillah. C'est pas pour Allah que tu l'as fait. Et qu'en faisant cela, tu l'associes avec Allah, autre que lui. وإن لم تريد تعظيمه فهل أردت توسيق باب المشهد وتنجيس الداخل إليه أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلى الأول ولا خرجت من بيتك إلى لقصده ثم كذلك دعاؤهم لهم فهذا الذي عليه هؤلاء شرك طيب فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب donc il dit et si jamais tu prétends que tu n'as pas voulu le ta'zim du wali dans le qabr, parce que là il te dit, s'il te dit oui, c'est du shirk direct. Même si ça dit bismillah, ta niya, elle n'est pas pour Allah. Après, s'il te dit non, je n'ai pas voulu ta'zim, il dit, donc c'est quoi que tu as voulu? Tu as voulu salir la tombe avec le sang de l'animal, pourquoi tu l'as amené jusque là, de chez toi, sortir avec un animal, tu l'as amené jusque là, pour souiller la tombe? Et il dit, car tu sais très bien au fond de toi avec certitude que ce n'est pas ça que tu as voulu. Amen. Tu n'as voulu que le premier, ta'zim. Sinon, tu n'as pas besoin de venir jusque-là pour faire le zab. Donc ceux-là, ce qu'ils ont fait, c'est du shirk, sans aucun doute. قال وقد يعتقدون في بعض فسقات الأحياء وينادونه في شدة ورخاء وهو عاكف على الفضائح لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور ولا يحضر جمعة ولا جماعة ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب. Donc il dit, certaines personnes ont pour croyance dans des fasakah, dans des pervers parmi les gens vivants. Ils les appellent lors des détresses et même dans l'aisance. Alors que cette personne-là est une personne qui est plongée dans les ma'asi, dans les turpitudes. C'est une personne qui n'accomplit pas ce que Allah a ordonné à ses serviteurs de faire. Il ne fait pas la salat al jama'a, il ne vient pas au jumu'a, il ne visite pas le marid, il ne participe pas au jana'iz. Et pire de cela, le pire de tout, c'est qu'il prétend connaître l'invisible. وَيَجْلِبِ إِلَيْهِ إِبْلِيسُ جَمَاعَةً قد عشش إبليس في قلوب وباد فيهم أفرخ ويصدقون بختانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فهي للعقول أين ذهبت إذا جهلت الشرائع؟ قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. Donc il dit, ça c'est parmi les tromperies de Iblis, parmi ces gens-là, qui a pondu dans leur cœur ce genre de choubouhette et l'amour pour ces personnes-là. Et les gens croient son mensonge à cet homme qui prétend connaître l'invisible. Donc là, c'est des choses qui rentrent dans les tromperies de Iblis, une talbis Iblis. Donc ces gens commencent à glorifier cet homme, ce fasiq. Et ils en font un égal au Seigneur des mondes. Donc l'auteur est dit, mais où sont est-ce que les raisons est-ce qu'ils sont partis? Non seulement tu fais du shirk, et en plus t'as choisi l'une des pires des créatures pour faire du shirk à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ce qui se passe, c'est qu'on ignore la sharia, comme il dit. Qu'on connaît pas la législation, ça c'est parmi les résultats, les fâcheuses conséquences. Alors dans le sens, il dit, certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Là tu adores ton égal à toi. Allah, il n'y a pas d'égal. Celui que tu adores, là, c'est un égal à toi. C'est un serviteur comme toi. Donc après, il reprend dans la Munakasha. Qal, fain kulta, yani ant, yani zakil mushrik. Afayasiru haoula allazina yataqiduna fil kubur wal awliya wal fasakata al khula'a mushrikina kallazina yataqiduna fil asnam. Donc s'il te dit, est-ce que ces gens-là, là, qui ont pour croyance dans les kubur, dans les awliya, et dans les fasaka, deviennent mushrikin, comme ceux qui ont pour croyance dans les asnam et dans les awfan, dans les idoles, parce que eux, pour eux, ça reste toujours des pierres. Le wali ne rentre pas dedans. Le kabr ne rentre pas dedans. C'est autre chose pour eux. Donc il dit, comment ces gens qui adoraient ces pierres, ces statuettes, est-ce que ceux qui se rapprochent d'Allah par le biais de ces awliyas et de ces kubur sont comme eux? C'est la question qu'il pose en fait. Yakul, kultu, naam, kod hasala fihim ma hasala fi haoula. أو في أولئك وساووهم في ذلك بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستبعاد فلا فرق بينهم. Donc il dit naam, ils sont pareils car ils ont fait ce que ceux-là ont fait, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont comme on dit rivalisé là-dedans et voire pire, ils ont dépassé dans ce mal, car comme on l'expliquait, eux ils vont carrément jusqu'à invoquer des gens qui à la base ne sont pas des gens pieux et qui sont pires que les statuettes. La statuette, elle ne fait pas de mal. Mais lui, c'est un zindik kafir. Une statuette, elle ne fait rien du tout. Mais lui, il fait du mal. Plus de mal. Et il ment. Il prétend connaître l'invisible. Donc nous, c'est pire encore. Fain kulta, haoula il kuburiyoun yakuluna nahnu la nushrik billahi aza wa jel. Wa la najalu lahu nidda. Donc ces gens-là, ils disent, ces gens-là, les Kubouriyoun qui vont vers les tombes, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne lui accorde pas d'égo. Amen. Et le fait de se tourner vers les Aouliya et du fait d'avoir une croyance qui nous rapproche d'Allah, c'est pas du shirk. Donc ça, c'est l'une de leurs chebouahettes. C'est pas du shirk. Le mu'alif, qultu na'am, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Hadi kalam Allah. Lakin hadha jahlun minhum bi ma'na ash-shirk. Fa inna ta'zimahum al-awliya wa nahr al-nahair lahum shirk. Wallahu ta'ala yaqul: "Fassalli li rabbika wanhar." Ay la li ghayrihi kama yufidu taqdim al-dharf wa yaqul ta'ala: "Wa la tad'u ma'a Allahi ahada." Donc toi tu leur réponds quoi à ces gens-là qui t'ont dit est-ce qu'ils sont pareils? Que c'est pas du chef ce qu'ils font, tu dis si. Quand même. Après, si tu l'abordes dans le sens où il dit, ils disent de leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Dans leur cœur, c'est du chef qu'ils font. Dans leur bouche, ils disent c'est pas du chef qu'on fait. Cependant, ça c'est une grande nuance de leur part. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que le shirk. Car le fait de faire le ta'zim pour les awliyas, de sacrifier pour eux, c'est du shirk. Quand même, c'est du shirk. Pourquoi? Parce que Allah dans le Coran, dans le sens, il dit, et pour ton Seigneur, fais la salat et sacrifie. Et il dit Kazalik, c'est-à-dire pour lui seulement, pas pour autrui, pour Allah seulement. Et Allah dans le sens, il dit, et n'invoque personne avec Allah. Donc vous, vous avez contredit ces deux versets. Vous avez égorgé pour autre que lui. Tu as beau dire non, dans ton cœur, ta niya, c'est lui, parce que tu es sorti de ta maison avec ta bête à sacrifier jusque vers la cobre. Donc pourquoi tu as fait toute cette fatigue? Et deuxièmement, tu l'invoques. Dans les Shada'id et dans Raqqa, tu l'invoques. وقد عرفت بما قدمنا قريبا انه سمى رياء شركا فكيف بما ذكرناه il a dit tu as su parce qu'il était cité précédemment que Allah a nommé le riya comme étant le shirk. Alors que dire de ce que vous faites vous? Il y a le fait de faire une ibada pour Allah mais d'avoir une partie pour plaire aux gens. Allah dit c'est du shirk. Alors que dire une ibada pleinement faite pour autre que pour Allah? Qu'est-ce qu'il en est? فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم وعين ما فعلوا المشركون وصاروا به مشركين ولينفعه قوله أنا لا أشرك بالله شيئا لأن فعله أكذب قوله. Donc ce que ces gens-là ils font avec leurs awliya, c'est exactement ce que faisaient les mushrikoun avec leur asnam min qabl. Donc ils sont devenus mushrikin pour cela. Et leur parole de dire moi je ne fais pas de shirk, ça ne sert à rien. C'est un kalam, il ne sert à rien du tout. Car leurs actes démentent leurs paroles. Leurs actes démentent leurs paroles. Et combien de gens prétendent des choses? Car si jamais on prenait les prétentions des gens, il arrive aujourd'hui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme ils disent. Et ce n'était pas le cas. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des choses pour éprouver le serviteur. Des fitans. Et Iblis, il est là pour ça également. Pour différencier entre le menteur et le véridique. Entre le sincère et l'hypocrite. Tout ça. Toutes les fitnes qu'on voit, les épreuves qu'on voit, c'est pour différencier le bon du mauvais. Allah, il sait c'est le bon du mauvais. Mais nous, ça nous aide à avoir, à percevoir et à nous éduquer. قال إن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه. Si tu venais à dire, pour les défendre, ces gens-là, c'est-à-dire qui invoquent les awliya et qui vont vers les kubur, ils sont ignorants. T'as même que ce qu'ils font, c'est du shirk. Ils sont ignorants. Qultu qad sarraha al-fuqaha'u fi kutub al-fiqh fi bab ar-riddah an man takallama bi kalimat al-kufr yakfur wa in lam yaqsud ma'naha wa hadha dallun 'ala annahum la ya'rifuna haqiqata al-islam wa la mahiyata at-tawhid fa saru hina idhin kufaran kufran asliyan. فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلى الله وإخلاصها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Il dit par rapport à cette choubouhette qu'ils sont ignorants de ce qu'ils disent. Il dit les gens du fiqh ont clarifié dans les kutub de fiqh dans le chapitre de la ridda, l'apostasie, que la personne qui prononce le kufr même s'il ne vise pas de sens, il mécroit. Et que cela démontre que ces gens-là ne connaissent pas la réalité de l'islam, ni l'essence du tawhid. Ils sont venus par cela des koufars d'une mécréance d'origine. Ça, c'est à pouvoir discuter. D'une mécréance d'origine. Car Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à ses serviteurs de l'unifier dans l'adoration. Dans le sens où Allah dit de n'adorer que Allah. Et il l'a imposé, elle y khalas dans cette adoration. Dans le sens Allah, il dit, et cependant, il leur a été ordonné que de vouer un culte à Allah seul, sincère. Cette masse Allah, que le shir il cite ici, le fait de prononcer le kufr te rend kafir, haza, leysa ala itlaqih. Ce n'est pas dans l'absolu. Il y a de ça, et également, il y a de ce qui n'en est pas. Par exemple, celui qui était moukrah, qui était contraint. La falaine, de dire le kufr. Il ne me croit pas pour ce qu'il a dit. L'ikrah, c'est parmi les chouloutes qu'il faut qu'on ne t'en pas à quelqu'un. Ou quelqu'un qui a dit une parole involontairement. Comme dans le hadith de Anas, de cet homme, qui après avoir été perdu dans le désert avec sa monture, qui est parti avec sa boisson et sa nourriture, lorsqu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma anta abdi wa rabbuk. Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur. Akhta min shiddat al-farah. Tellement il était content, il s'est trompé. Est-ce qu'il a mécru? Non, il n'a pas mécru. Et pourtant, c'est un kélémet de kufr. Clairement. Et des fois, tu as des choses qui sortent de ta langue, de ta bouche, malgré toi. Des choses, par exemple, les sahabas sont arrivés, ça leur était déjà arrivé auparavant. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués, les a corrigés, de jurer par autre que par Allah. À cause de l'habitude d'avant l'islam. Ils ne faisaient pas un tarzim du mahlouf bi, la chose pour laquelle ils y juraient. Non, c'est l'habitude. Comme des fois, des gens avant d'entrer en islam avaient des expressions qu'ils employaient. Combien ils juraient sur la tête de leur mère, sur la tête de leur père, sur Kazas, Kazas. Et un jour, ils se convertissent, ils rentrent dans l'islam et ça sort comme ça. Ils jurent. Mais il a pas, c'est l'habitude qu'il a eue. Lui, il est excusé. Mais tu fais tambi, tu fais akhita, j'ai pas tout Allah, tu fais astaghfirullah, j'ai pas fait attention, sorti tout seul. Fais tawba, c'est fini. Al-Muhim. Son kalam là, il dit que ces gens-là, comme ils n'ont jamais connu l'islam, alors ce sont des koufars d'un kouf de base. Ils voient que ce sont pas des murtadoun, ils voient que ce sont des koufars de base. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu l'islam, ces gens-là, ils ont toujours été koufars. C'est ça qu'il veut dire par là. Ce qu'on il a été repris par les autres ulama qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mathalène, il fut rapporté de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, n'a pas été d'accord avec ce kalam de l'imam Sana'ani dans son livre. C'est quoi le Khurasa? Celui qui naît en islam, il se dit musulman, il prononce la shahada, il connaît son messager sallallahu alayhi wa sallam, Omar, lui, là-bas, c'est que c'est un musulman. Le jour où on voit une chose qui s'oppose à cet islam, on dit qu'il est apostasié. À la base, c'est un musulman. Il est né musulman, il n'est pas né Nasrani, il n'est pas né Yahoudi, il n'est pas né... Il est né musulman. Sa famille, c'est des musulmans. Maintenant, avec le djihl, peut-être qui est autour de lui, dans les contrées où il est, il parle peut-être pas l'arabe, ces gens-là, je sais pas, dans des pays comme, je sais pas, dans des pays qui est en Asie, derrière la Russie, tous ces pays-là, là-bas, là. Par exemple, ils ne connaissent pas l'arabe, comme la Tchétchénie, des pays comme ça. Ils ne connaissent pas l'arabe, ce sont des hajim. Et là où il a vécu, tout le monde fait des choses abominables dans la religion. Ils font du shirk, ils font des choses énormes. Et eux, ils ne savent pas. Ils sont johel, le Coran, ils ne le comprennent pas. Ils sont musulmans par tradition. Mais le tawhid en soi, ils ne l'ont pas vraiment cerné. Eux, on juge en apparence, sont des musulmans. Nous, on doit leur faire quoi? Iqamat al-hujja. On doit leur éclaircir la chose. On dit, si tu es musulman, le Coran wa kalamullah, ou fait le Coran, Allah yakul kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Si tu es musulman, tu sais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le message d'Allah, et il dit kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Ce que tu fais là s'oppose à cela complètement. C'est de la mécréance. C'est pourquoi le messager était envoyé de combattre. Donc là, il faut que je le bien éclairci avec sa langue qu'il a compris, ou qu'il a voulu comprendre, parce que des fois, il dit, j'ai pas compris, ils ne veulent pas comprendre en fait. Tu lui expliques clairement la chose. Après ça, s'il persiste, n'am. N'arkoum ali bilkouf. Jugé comme étant un kafir. Car quoi? L'argument lui était parvenu. Quand l'État Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasoula. Nous n'avons jamais puni avant d'envoyer un messager. Et le Qimat al-Hujja, comme on l'a écrit dans le Ders sur le converti en converti, Cheikh Fazan a dit quoi? C'est envoyer les rasouls. L'envoi des messagers. Donc retransmettre leur message. Quand même. Et que le message leur parvienne de façon claire. Qu'ils le comprennent. Quand même, Tani? Si cela est fait, après cela ils refusent et persistent ce qu'ils font comme kufr, comme shirk, là on dit antum murtadun. Et là c'est quoi le hukm qui s'applique sur eux? C'est la peine de mort. Le murtad on l'exécute en islam, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change sa religion, alors exécutez-le. Avant ça, on l'appelle à revenir, on lui fait un BN, s'il ne veut pas revenir, voilà. Attention, je ne dis pas que toi demain tu le tues ou non. Ça c'est le règle, la règle dans l'islam. Maintenant c'est avec le gouverneur, avec les lois et tout ça. Là on parle juste du jugement en soi, pas dans le temps de bien, l'application entre nous. Ça on n'a pas à le faire nous. Demain quelqu'un il est en France, il fait de la rida, toi ça ne revient pas à toi de l'exécuter. toi tu fais le kemet al hujja, il veut pas écouter, tu t'as un kafir, tu le laisses. Va pas prendre une arme, tu vas le tuer, tu vas faire des fitanes. Tu auras des problèmes toi. En France, ils disent pas, ils connaissent pas Ridda. Il va dire pourquoi tu l'as tué? Tu dis il veut devenir chrétien. Il va dire ah bon? Alors toi t'es. On devient chrétien, tu tues les gens. Oh toi tu es dangereux toi. Donc ça c'est à délaisser. Nous on parle du hukm. Quand même, on dit pas aux gens de l'appliquer. On dit à l'islam, le hukm c'est kaza et kaza. C'est comme ce qu'on dit, celui qui vole, on coupe la main. Maintenant, ça peut dire demain tu as coupé la main d'un voleur. Toi, là. Azaw. Thumma qal. Donc, le kalam shahidin hadha, ce sont des murtadoun et non pas des kuffar asliyoun. Ça, c'est une erreur de l'auteur. Et même Cheikh al-Abbad, kazalik. Il dit que c'est une erreur. Ou plutôt Cheikh al-Rajihi dit que c'est une erreur également. Et d'autres encore. قال ومن نادى الله ليلا ونهارا ومن نادى الله ليلا او نهارا او سرا او جهارا او خوفا او طمعا ثم نادى معه غيره فقد اشرك في العباده. Il dit celui qui invoque Allah nuit et jour en secret et en apparent par peur et par convoitise et par la suite appelle autre que lui, il en fait du shirk. Même si dans son doua de base il est sincère, il a fait un autre doua pour autre que Allah, il a fait du shirk. فإن الدعاء من العبادة وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بعد قوله أدعوني أستجيب لكم قال الدعاء سن عبادة الله لأنه مثل كل وصفات رسول الله الله c'est à ceux qui se sont enflés d'orgueil, c'est-à-dire qui ont délaissé mon adoration par orgueil, et cela après qu'il ait dit invoquez-moi, je vous répondrai. Donc ceux-là qui s'enflent d'orgueil et qui ne l'invoquent pas, qui n'adorent pas, il a dit qu'ils entreront au feu. Après il dit فَإِنْ قُلْتَ فَإِذَا كَانُوا مُشْرِكِينَ وَجَبَ جِهَادُهُمْ وَسُلُوكُ فِيهِمْ مَا سَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُشْرِكِينَ. Donc il te dira si ils sont des mushrikoun, alors il faut les combattre, comme l'a fait le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avec les mushrikoun. Toi tu dis quoi? Du moins l'auteur il dit cool tout. Il est هذا ذهب طائفة من أئمة العلم. C'est cela que ce que tu dis là, c'est ça que les un groupe de gens de science ils voient, faut les combattre. فقالوا يجب أولا دعاؤهم للتوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه لا ينفع ولا يدور. بل يدور. أو لا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منهم وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى. Donc il dit faut les combattre, mais cependant il est obligatoire d'abord de les appeler au tawhid, comme on l'expliquait, de faire iqamat al-hujja et de leur éclaircir que leur croyance ne leur sert à rien ni une nuit. Et pourtant une nuit, ça je comprends pas. Ça veut dire quoi pas là yadour? Yadour? J'ai pas compris là. Apparemment c'est pas dans toutes les manuscrits. Certains il y a là et dans d'autres il y a pas là. Il y a pas là. Et le sens correct c'est qu'il n'y a pas là. Yani annama yatakidunahu la yanfar wa yadur. Zal sawab. Ça leur sert à rien et en plus ça nuit. Mais apparemment dans certains manuscrits il y avait là. Là, là parce que le muhakkik est dit en bas. قال ولا طيب et que cela ne leur sert à rien auprès d'Allah SWT et qu'ils sont comme eux, c'est-à-dire comme les mouchikoun d'avant, car cette croyance qu'ils ont aujourd'hui c'est du shirk et que l'hymen ne peut être complété si c'était par ce par quoi sont venus les messagers, c'est-à-dire qu'il faut délaisser ceux qu'ils ont ordonné de délaisser et d'en faire tawbah et d'unifier Allah dans l'adoration, dans la croyance et dans les œuvres. قال وهذا واجب على العلماء بين أن ذلك الاعتقاد الذي تفرغت عنه النذور والنحائر والتواف بالقبور شرك محرم وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. C'est l'obligation sur les ulama qui doivent démontrer clairement que cette croyance que ces gens-là ont, comme le fait de faire des nuzur, des vœux, sacrifices, des tawaf pour les kubur, cela est du shirk interdit. Et que c'est exactement ce que faisaient les mouchtikoun avec leurs idoles. أبانته العلماء لأئمة والملوك وجبال الأئمة والملوك بعثوا دعاة إلى الإخلاص والتوحيد، فمن رجع وقر وحقنا عليه دمه وماله وزراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباحه وما أباحه لرسوله صلى الله عليه وسلم للمشركين. Donc il dit, après, si les ulama ont classé cela, à qui ? En premier lieu, au roi, au gouverneur, quand même, au chef d'État. Alors ces derniers, les gouverneurs, doivent envoyer des prédicateurs, des gens qui appellent à l'ikhlas et au tawhid. Celui qui accepte le message et qui se repent et qui délaisse, alhamdoulilah, voyez, lui m'a fait m'a alléché. Ses biens seront préservés. Et si jamais il persiste, alors Allah aura permis de lui ce qu'il a permis à son messager sallallahu alayhi wa sallam avec les mouchriquines. C'est-à-dire, son sang n'est plus licite, ni ses biens. Azahou. Donc là, cela démontre quoi une masala qu'on a évoquée dans Keshf et Shubuhat, ou à Al-Uzu bil-Jahl, l'excuse par ignorance. Là, on ne va pas trop parler dans Keshf et Shubuhat, j'en ai déjà beaucoup parlé, alhamdoulilah, cher Semin, la fatansil, jayid, ceux qui veulent retourner. L'ignorance n'est pas excusée dans tous les points, et des points, il n'y a pas d'excuse, mais la base, comme l'expliquer, c'est que l'ignorance, elle est excusée. Elle est excusée sur beaucoup de points. Et certains points, non. Il y a des points, c'est pas excusé. Que tu es obligé de savoir. Et également, parmi les choses qui font que tu es excusé, c'est que tu n'as pas pu, ça, tu n'as pas pu apprendre. Tu n'as pas les moyens pour connaître la vérité. Par contre, celui qui a fait des choses comme ça, du shirk, qui a fait du kufr, en terre d'islam, au milieu des muslimines, le Coran est présent, les ulama sont présents, la dawa est présente, et qui s'est détourné, il n'a pas voulu apprendre, lui, il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé, lui. Car il a délaissé. Donc, ce qui lui est arrivé sont les conséquences de son détournement. Et tu es obligé de le faire. D'apprendre ta aqida, ton tawhid, et tes faraïd, salawat, siyam, ce genre de choses. Tu es obligé. Donc ça, c'était le dars d'aujourd'hui. Que ces gens-là, ça revient à ce qu'on a pris au début, ont fait comme on fait le mouchikoun auparavant. On l'explique. La forme a changé, mais le fond est le même. Aujourd'hui, ils ne se tournent plus vers des asnam, vers des statuettes, des choses confectionnées, mais se tournent vers des aouliyas, ou des koubour, où ils invoquent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et font pour eux ce que les mouchikounes faisaient pour leur asnam auparavant, et ces choses-là ne sont que pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en réalité. Et on a pris également le Uzu bil-Jahl, et on a pris que celui qui tombe dans, là-dedans, et que, après que l'argument lui soit parvenu, persiste, c'est un murtad, et non pas un kafir asli. مفهوم هذا يا إخوة؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.